Un accident sur la route ? La plupart des conducteurs lèvent le pied, par curiosité. Pour se rassurer aussi. Si ce sont les autres qui paient le tribut à la route, la statistique nous épargnera sans doute. Sur l'autoroute, on jette un coup d'œil pour évaluer l'importance des dégâts, des morts, des blessés, de la tôle froissée. On devrait ralentir, mais on appuie sur l'accélérateur pour rattraper la moyenne. Si par contre vous rencontrez des accidentés sur une toute petite route, faut-il vous arrêter ? Rémi Mérigneux est visiteur médical. Jour après jour, il se rend chez les médecins de son secteur et il attend patiemment que le praticien puisse le recevoir. Il doit alors le convaincre en quelques minutes afin qu'il prescrive les produits de son laboratoire. Les journées sont parfois longues et Rémi a l'habitude de circuler de nuit sur des petites routes de campagne. Ce soir, une pluie fine s'est mise à tomber et Rémi, bien qu'il connaisse parfaitement cette petite route départementale des environs d'Auxerre, est très attentif. Qui sait ce que peut dissimuler chaque tournant ? Aïe, qu'est-ce qui se passe ? Rémi se pose machinalement la question. Ce qui se passe, c'est qu'il vient d'y avoir un accident. Sur le bas-côté de la route, une jeune fille fait des signes désespérés pour que Rémi veuille bien s'arrêter. Un peu plus loin, Rémi distingue une moto couchée dans l'herbe. Un gros engin qui dissimule à moitié un corps immobile. Rémi freine sur le bas-côté, il met ses feux clignotants en marche et fait descendre la vitre de sa portière droite. Il se penche un peu. Dehors, la jeune femme, vêtue d'un blouson et d'un pantalon de cuir noir, tête nue et le visage ensanglanté, est trempée par la pluie. Elle penche la tête à l'intérieur du véhicule et dit d'une voix faible « Monsieur, aidez-moi, nous venons d'avoir un accident avec mon ami, il ne bouge plus, j'ai peur qu'il ne soit mort. » Rémi arrête son moteur, sort de sa voiture. La pluie lui dégouline sur le visage. Il remonte la capuche de sa parka, s'approche rapidement de la moto. C'est un énorme engin. Apparemment, il a dû heurter une borne de ciment après un freinage violent sur la chaussée mouillée. La jeune femme dit « Je n'ai pas pu soulever la moto. C'est beaucoup trop lourd pour moi. » Rémi, avant de toucher à l'énorme moto, se penche au-dessus du corps qui est coincé sous l'engin. Il s'agit d'un jeune homme dont le casque gît un peu plus loin. Rémi lui touche la carotide. Il ne ressent aucun battement. Il fait la grimace. J'ai l'impression que c'est trop tard. La jeune femme le regarde d'un air hagard. Rémi remarque alors qu'une traînée de sang coule sur le pantalon de cuir. Elle vient sans doute d'une blessure que dissimule le blouson. Rémi se relève et dit « Je ne peux rien faire pour votre ami, mais je vais vous emmener à l'hôpital municipal et ils enverront du secours. Voyons, ici nous sommes pratiquement au carrefour de la Grenière. Venez, vous n'aurez qu'à vous allonger sur la banquette arrière de ma voiture. C'est l'affaire d'un quart d'heure. » Rémi ouvre la portière arrière de sa Renault et la jeune femme se glisse sur la banquette sans dire un mot. Rémi s'installe au volant et démarre sans perdre un instant. Pendant tout le parcours jusqu'à l'hôpital, il s'abstient de poser la moindre question à sa passagère. Elle a l'air très choquée et n'est certainement pas en état de tenir une conversation. Dès qu'il arrive devant l'entrée de l'hôpital, Rémi se précipite à l'intérieur en laissant son moteur en marche. « Vite, j'ai une jeune femme blessée sur ma banquette arrière. Elle saigne abondamment. Elle a eu un accident de moto avec un jeune homme. Il faut envoyer du secours. Mais j'ai l'impression qu'il est déjà mort. Ça s'est passé au carrefour de la Grenière, en arrivant de Saint-Julien. » L'infirmière de l'accueil regarde Rémi d'un drôle d'air. Elle ne semble pas paniquée par l'accident. Pour elle, c'est son pain quotidien. Elle appuie sur un bouton qui doit mettre une sonnette en branle quelque part dans l'hôpital. « Alors vous me dites un accident de moto au carrefour de la Grenière en arrivant de Saint-Julien. » Deux infirmiers surgissent. « Il y a une blessée sur la banquette arrière de monsieur. » « Vous êtes garé où exactement ?»« Juste devant les marches de l'entrée, une Renault verte. Le moteur est en marche. » Les deux infirmiers foncent avec un brancard à roulettes. Ils reviennent au bout de 5 minutes. « Monsieur, c'est bien la Renault verte qui est juste devant l'entrée ?»« Oui. » Et il n'y a personne sur la banquette arrière. Rémi se lève d'un bond. Personne ? Mais elle ne doit pas être loin. Elle est ici mal en point. Elle a dû sortir. Elle s'est peut-être évanouie dans un coin. Vous avez bien regardé autour de la voiture ? De toute manière, elle saignait tellement qu'il doit y avoir des traces sur le plaid qui recouvre ma banquette. Mais non. Ni trace de sang, ni personne. Le motocycliste a disparu. On ne le retrouve nulle part. Rémi dit... Enfin, elle n'est certainement pas repartie vers le lieu de l'accident à 7 heures de la nuit. Comment aurait-elle fait ? L'ambulance qui doit récupérer le jeune homme est là, moteur en marche. Monsieur, c'est vous qui avez été le témoin de l'accident ? C'est à quel endroit exactement ? Si vous me laissez garer ma voiture, je vous accompagne. Rémi saute sur la banquette avant d'ambulance et voilà l'équipe de secours qui s'élance. On arrive, c'est juste après le tournant. C'est une très grosse moto, vous ne pouvez pas la manquer. Ben, j'aurais dû jeter une couverture sur le jeune homme, mais j'étais si pressé d'amener la jeune femme à l'hôpital. Ah, c'est égal, je me demande où elle a pu se fourrer. Monsieur, vous êtes certain que c'est ici que vous avez vu la moto et son conducteur ? On ne voit personne. Rémi est descendu de l'ambulance. Les secouristes aussi. Ils examinent l'herbe du bas-côté de la route. On ne voit aucune trace. Vous avez dû vous tromper d'endroit. Mais pas du tout. Tenez, j'avais remarqué le panneau qui est à l'entrée du chemin, la ferme des Prémontrés. Il n'y a certainement pas dedans le coin. En tout cas, regardez vous-même. Aucune trace, rien. Rien dans le fossé. L'herbe est intacte. C'était quoi comme moto ? Une grosse Harley Davidson ? Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai vu la marque. Et le conducteur, il était là. Là ? La moto lui écrasait la poitrine. Mais c'est à n'y rien comprendre. C'est drôle. Votre histoire me rappelle quelque chose. Bon, nous allons faire un petit tour dans le coin au cas où. Mais nous ne pouvons pas nous attarder s'il y a vraiment un accident dans les environs et qu'on ait vraiment besoin de nous. Rémi n'aime pas la façon dont le chef des secouristes insiste sur le mot « vraiment ». Est-ce qu'on le prendrait pour un fou, un ivrogne ? Le visiteur médical, un peu vexé, n'est pas au bout de ses peines. On lui demande de passer au poste de police pour faire une déposition. Mais ça veut dire quoi exactement ? Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à lui chercher des noises, dans le genre fausse déclaration ou déclaration d'accident fantaisiste ? Le sergent qui recueille et note soigneusement sa déposition se montre pourtant parfaitement aimable. Il inscrit les noms et adresses de Rémi, lui pose tout un tas de questions qui semblent soudain un peu ridicules. Avez-vous noté le numéro d'immatriculation de la moto ? Les accidentés étaient-ils français ? Métropolitains ou d'outre-mer ? Leur taille, leur poids apparent ? La jeune femme avait-elle un accent ? Y avait-il des bagages sur la moto ? Quand Rémi parvient à rejoindre son lit, sa nuit est assez agitée. Il ne parvient pas à comprendre la soudaine disparition des deux jeunes gens ensanglantés. Quelques jours plus tard, Rémi reçoit une convocation à l'hôtel de police du chef-lieu du département. Il est reçu par un officier qui lui dit « Nous vous avons demandé de passer au sujet de l'accident que vous avez signé le 27 octobre. Vous vous souvenez ? Oh, bien sûr que je me souviens. Vous croyez que je découvre des accidentés à chaque fois que je fais ma tournée ? Vous avez une explication concernant ce mystère ? Vous avez retrouvé la jeune femme ? Vous avez identifié le malheureux conducteur ? Peut-être bien. Cela dépend de vous. Pensez-vous que vous pourriez reconnaître ces personnes sur des photographies ? Des photographies de l'accident, s'entend. Des photographies de l'accident ? Alors vous les avez retrouvées ? Ben vous voyez bien que j'ai pas rêvé. Calmez-vous un peu, cher monsieur. Vous n'êtes peut-être pas au bout de vos surprises. Tenez, regardez ces clichés. À votre avis, est-ce l'accident que vous avez découvert au bord de la route ? Rémi examine les photos. Des documents noirs et blancs éclairés violemment par un flash. La scène a été prise la nuit. Ça a l'air d'être la moto, en tout cas. Et je crois bien reconnaître la manière dont le jeune homme était coincé sous la moto. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Il portait ce bandana autour du cou. Instinctivement, Rémi a retourné le cliché pour voir les inscriptions qui doivent figurer au dos. Accident de la route, 27 octobre 1986. Lieu, carrefour de la Grenière. Victime, Jean Lorimont, né le 21 janvier 1960, et Yvette de la Merville, né le 14 juillet 1962, décédé. Rémi dit, il y a une petite erreur de frappe. C'est le 27 octobre 1992, pas le 27 octobre 1986. Et non, monsieur. Et c'est là le problème. Vous avez signalé le 27 octobre 1992 un accident de la route qui a bien eu lieu, à l'endroit exact indiqué par vous. Mais il a eu lieu en 1986. Allez trouver une explication à tout cela. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas suspect de folie. Vous êtes le sixième à nous signaler cet accident. Vous êtes le sixième à prendre la jeune femme en charge jusqu'à l'hôpital et le sixième à ne plus la trouver en arrivant. Nous essayons de ne pas ébruiter la chose. C'est pour cela que pratiquement personne n'était encore au courant à l'hôpital. Mais à force, ça va finir par se savoir. Et ce sera difficile de se faire secourir si l'on a un accident de moto un 27 octobre.